votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vous venez d'écouter Black Pumas dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion. Il est donc 19h. Alors, c'est une émission qui est enregistrée puisque nous sommes à Issoudun. Et donc, je rencontre en fait un artiste d'Issoudun et donc j'ai été obligée d'enregistrer. Donc, nous sommes en pleine nature. Alors, vous entendrez peut-être des bruits de fond, mais c'est totalement normal. Nous sommes ensemble, bien sûr, pour une heure. Alors, je vous rappelle, bien sûr, notre rendez-vous, c'est deux lundis par mois, de 19h à 20h. Et ce soir, comme je vous le disais, je suis à Issoudun et j'ai un invité de notre belle région Centre-Val de Loire. Merci. Je vous souhaite donc bienvenue dans les coulisses à Ziaco. Bonsoir Bérénice. Alors donc on est dans un parc, sous un arbre, au soleil, puisque on enregistre donc l'après-midi, et on est très bien installé, on s'est fait un petit catering, donc on est super bien installé pour cette interview. Donc je suis ravie de pouvoir partager donc son univers ce soir. Donc dans une première partie, le concept c'est de connaître donc l'artiste, l'homme, qui tu es, Ziako, et ton parcours en fait, ton histoire. Tu es de quelle origine, Ziako ? Origine française, avec en fait des petits côtés forains par le biais de mon grand-père qui tenait des parquets, qui c'était itinérant et qui alliait la musique, s'appelait des parquets, donc voilà. Et musique et voyage, donc ça m'a bercé comme ça un petit peu pour jusqu'à aujourd'hui. Donc tu es originaire du coin, sinon ? Est-ce que tu vis à Issoudun ? Alors mes arrière grands-parents étaient de Pontivy, Bretagne. Et après ils ont migré sur Paris, ils sont descendus en fait sur la région centre et sur Issoudun notamment. Donc, ce que je voulais te demander, c'était à quel moment de ton côté, de près ou de loin, tu en es venu à cette aventure musicale ? Ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que mon grand-père, c'était ses propres parquets, donc il était musicien professionnel. Ensuite, mon papa, lui, n'a pas pris le pas, j'allais dire, et en fait ça a sauté une génération, et du coup c'est grâce à mon grand-père, je pense indirectement, que je suis là aujourd'hui avec ce projet Ziako. Mais 10 ans auparavant, c'était avec un projet qui s'appelait Zodiane, qui était plus rock, folk, festif. Donc tu es tombé dans la musique très jeune, tu as pris ta guitare à quel âge ? À l'âge de 12 ans, comme beaucoup de jeunes qui savent pas trop quoi faire. Donc on remet dans le contexte, ouais, j'étais dans une cité, dans un petit quartier sur Issoudun, et le seul moyen de m'évader, c'était à travers en fait la guitare. Il y en a toujours une à la maison, étrangement, qui avait été offerte de mon grand-père à mon père à l'âge de ses 15 ans, que j'ai encore d'ailleurs. Et du coup, moi je me suis acheté ma propre guitare à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à griffonner. Est-ce qu'il y a eu une formation musicale, quelque chose de plus académique, ou ça a été... Oui ? Alors, c'était... Il y a eu, on va dire, à peine 4-5 cours par rapport à un musicien. Enfin, les musiciens qui ont donné vraiment un élan aux jeunes sur Issoudun, c'était Zéro de Conduite et les Blancas. C'était vraiment les fers de lance, les grands frères, on va dire, sur le bassin d'Issoudun. Il y a eu, pour une ville de 10 000 habitants, ou 12 000, il y a eu plus de 20 groupes. Il y a eu, c'était vraiment un bel élan, grâce à eux. Et du coup, c'est Johan, le guitariste de Blancas, qui m'avait donné à l'époque 4-5 cours comme ça, à la maison, parce qu'on se connaissait, puis c'était bien passé, quoi. Quelle aventure, hein. Quel début d'aventure déjà, et quelle rencontre. Ouais, c'était en fait un cercle d'amis, parce que ma sœur en fait était de même tranche d'âge que les garçons, que Guillaume et Johan. Donc voilà, quelques cours, et puis ensuite un peu de ténacité, et puis premier groupe en 97 qui s'appelait donc Zodiane. Et Guillaume a été le parrain, en fait, Guillaume Ledoux, chanteur des Blancas, a été le parrain, en fait, de ce projet Zodiane. On a fait la première partie de Parabellum, Kaolin, l'ex formation des Pogs. Ils sont venus pour 3 dates exceptionnelles en France, et on a eu la chance, le bonheur de faire leur première partie, donc les Pogs. À Issoudun, enfin, c'était surréaliste, quoi. Donc, tu es tombé dans la marmite tôt, finalement, donc à 12 ans. Et est-ce que tu as eu une formation, un cursus scolaire enfin, je veux dire, tu n'as pas vécu tout de suite de la musique. Est-ce que tu as eu... quel chemin tu as pris scolairement ? Déjà pour retracer, comme on disait, à l'âge de 12 ans, en fait, c'est le début, c'est les prémices d'une passion. Donc après, il y a l'apprentissage, évidemment, la création d'un univers, des textes, des rencontres et tout ça. Pour le premier groupe, vraiment, il a commencé à l'âge de 17 ans, 17-18 ans. Donc je revenais de l'armée, hop, j'ai rencontré, donc je vous en reparlerai un peu plus tard, mais Julien Lacou, c'était des jeunes, pareil, à peu près un peu plus jeunes que moi, quoi, et on a créé ce groupe, là, Zodiane, pendant une dizaine d'années, on a fait des... On vivait pas de la musique, mais on était passionnés, c'est-à-dire qu'on faisait tout professionnellement, par contre, toutes les répètes, tout ça, c'était assez acharné dans l'idée, donc on était un peu comme dans une bulle. On a eu un premier concert en fait du côté de Strasbourg sur un festival de 3 jours, et il y avait entre 3 et 4 000 personnes. On était tête d'affiche du vendredi, donc c'était vendredi, samedi, dimanche, et porté par le public. C'était une scène énorme via comme le Printemps de Bourges, grosse scène, 2 écrans géants sur les côtés, des caméras en travelling partout, et les gens ils connaissaient pas nos musiques. Et ils chantaient le refrain. Enfin, c'était encore une fois, c'était improbable. Mais ça, on a des traces vidéo hein, pour ceux qui le souhaitent. Et donc, c'était magique. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de faire ça vraiment. Donc, ça se fait pas encore d'un coup de baguette magique. Donc, on a tracé chacun notre vraiment notre chemin. C'est-à-dire qu'ils étaient étudiants et moi, j'ai commencé en fait à travailler à travailler tout simplement pour construire ma vie. Et puis du coup j'ai bossé pendant 20 ans tout en alliant travail et musique. Et puis il y a eu une cessation en 2008 du groupe, parce que 10 ans c'est déjà énorme quand on porte un groupe avec tout ce qu'on sait de répète, enfin. Et puis c'était le moment de dire stop par rapport à cette belle aventure, tout s'est bien terminé. Et du coup en 2008 j'ai remonté ce projet Ziaco, qui signifie la musique qui se partage, donc toujours avec des couleurs un peu métissées, des textes en français toujours, et puis une envie d'être en acoustique, et puis d'avoir un style propre, de créer un monde, une carapace. Très bien, donc tu es auteur, compositeur, interprète. Faut que je le dise, je ne l'ai pas dit assez tôt, mais c'est tellement important. Il faut le dire. De quoi parlent tes textes? Alors, essentiellement, en fait, c'est le premier album qui est sorti chez EPM Universal, qui s'appelle Né en Voyage, en fait, et puis il y a eu 2-3 EP avant. En fait, c'est vraiment la base des rencontres. Je me suis nourri de mes rencontres et des voyages pour créer en fait c'est ce premier album, et puis le deuxième c'est on est à l'identique quoi. Ce qui me nourrit c'est de rencontrer les gens et de m'en inspirer. Je suis une éponge, donc que ça soit à côté swing manouche qui là du coup m'a bercé pas mal de temps, ensuite côté des îles j'étais le seul oreille dans une chambrée de 12 gars à l'armée. Donc voilà, ça m'a inspiré aussi. Et tout ça, c'est les différences de la vie, c'est les couleurs changeantes et je m'en suis inspiré. Donc c'était ma question justement de ce qui t'inspirait. Donc tu m'as répondu, c'est très bien, dans la foulée. Ton processus d'écriture, forcément, ça vient avec l'inspiration, mais est-ce que c'est dans tes périodes de gaieté, des périodes plutôt dans le sens inverse de bad, tu vois, comme certains artistes, dans la souffrance, ou alors je prends un papier, un crayon, à n'importe quel moment, il y a quelque chose qui peut arriver. Comment ça se passe chez toi? Alors du coup, c'est en fait avec le temps on change, mais c'était souvent la nuit, étrangement. Souvent la nuit, l'aspect créatif est souvent, comme tu disais, dans les périodes un peu sombres. Alors après, avec les différentes rencontres et tout ça, ça change. Donc, et au fil du temps, en fait, non, ouais, c'est vraiment. Ça peut être une rencontre sur un concert. Voilà, j'ai flashé et puis ça m'a mis tout de suite une émotion que j'avais envie de traduire avec des mots. Et quand j'ai peine à trouver, en fait, j'ai la chance d'avoir une magnifique plume qui s'appelle Christophe Renaud. Et c'est un magicien des mots parce qu'en fait, je lui dis la thématique, je lui raconte un peu l'histoire et. Il a tout de suite en fait ce regard, une cohérence quoi dans retenir les propos et de quelques jours après voilà c'est ce que j'aurais voulu vraiment écrire quoi. Donc c'est assez magique comme avec le recul d'avoir des textes comme ça. Alors on va tout de suite t'écouter d'ailleurs. Donc c'est toi qui as choisi donc les titres qu'on va écouter ce soir puisqu'ils vont faire partie d'une playlist donc de l'émission et l'émotion aussi d'ailleurs on a les deux donc on va commencer par écouter le 7e continent. Quelle histoire raconte ce titre? Le 7e continent, en fait, j'ai eu la chance avant le confinement de mars de revenir justement d'une mission de solidarité internationale avec 19 étudiants de Polytech Tours, de l'IUT de Bourges et d'Ingénieurs sans frontières, avec une association qui s'appelle ASI. ASI signifie Association de solidarité internationale et d'éducation. C'est super important, et d'éducation, parce que en fait, cette mission, c'était de créer des ateliers dans un orphelinat au sud de l'Inde. Donc là, on est projeté carrément... c'était vraiment à la pointe de l'Inde, dans une région qui s'appelle le Kerala. C'était magnifique et on a passé une semaine merveilleuse. Comment dire, qui dit orphelinat dit pas misérabilisme. C'est vraiment en fait, on a trouvé des enfants rayonnants, plein de couleurs et tout ça avec le sourire. Et du coup, on a partagé des moments avec dans les ateliers pour un résultat final. C'était merveilleux. Ouais. Alors, bonne écoute, à tout de suite après le 7e continent. Les yeux fermés sur le monde, à contempler nos intérieurs. Des sirènes muettes face à 400 000 tankers, les oreilles pointées sur les tombes. Le Sea Dragon parcourt les mers, déchets plastiques, filets, particules fines. Tout finira dans la mer. Des plus visibles aux insidieuses, du fou au diable, face à l'empire, les dernières vagues ramènent les billes sur le sable. Tout est danger, les microbes portent le rêve fou des hommes de combattre le PCB. Mots ou mots, gardons espoir. Éveillons-les, réveillons-les, éveillons-les, conscience. Mots ou mots, gardons espoir. Éveillons-les, réveillons-les, éveillons-les, conscience. Le temps décide de tout. Les heures sont comme des jours, les jours comme des semaines. Il faut garder espoir. Espoir. Des visages des témoignages, un autre regard, une économie circulaire, humaine et solidaire. Mots ou mots, gardons espoir. Éveillons-les, réveillons-les, éveillons-les, conscience. Mots ou mots, gardons espoir. Éveillons-les, réveillons-les, éveillons-les, conscience. Vous écoutez Radio Web Passion. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Je suis avec l'artiste musical Ziaco qui est avec moi. Et vous nous retrouvez, on vient d'écouter le 7e continent. Alors tu voudrais nous parler un peu plus de ce titre. Alors le 7e continent, c'est le titre éponyme de l'album. Du coup, j'avais vu un reportage par rapport à tous les déchets. En fait, le 7e continent, c'est tous les déchets plastiques qu'on peut trouver malheureusement en mer, mais pas que. Et du coup, ça m'avait vraiment touché et j'avais vraiment envie d'écrire un texte sur ce thème-là, et en corrélation en fait avec le voyage en Inde dont on parlait tout à l'heure. Ça a vraiment pris son sens. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en titre éponyme sur ce nouveau projet. Donc tu joues, est-ce que tu joues seul sur scène ou est-ce que tu es accompagné, et de qui es-tu accompagné? Avec quel instrument aussi? Alors le projet a démarré seul, ouais, en solo en 2008. Ensuite, il y a eu différents intervenants qui ont accompagné en fait ma route. Je pense à un violoniste, un harmoniciste, guitariste aussi, mais la base en fait du projet, on m'a Alex, donc Alex le guitariste, au départ m'a donné en fait la possibilité, c'est super riche, la possibilité d'avoir une démo pour aller démarcher les professionnels. Donc il avait un petit home studio, on a enregistré, on s'est retrouvé pour le printemps de Bourges. Je crois que c'était en 2010-2011. Donc 2008, on fait un bond en 2010-2011. Et puis on a enregistré un album en 2012 ensemble. Et, une première démo, pardon, un single. Et ensuite, il y a eu cet album sorti chez Universal qu'on a aussi enregistré ensemble. L'album, le dernier album, on l'a fait également ensemble, le 7e continent, mais aujourd'hui en fait la formule a changé, dans le sens où c'était la surprise un peu de ce mois d'avril. C'est que je vous parlais tout à l'heure du groupe Zodian il y a 25 ans, et aujourd'hui je suis avec le guitariste en fait fondateur du groupe Zodian. Donc on va partager cette scène en trio avec en formation guitare, basse, accordéon, saxo et percu, voilà, tous en trio. On peut te retrouver sur quel type de scène? Ah, si par chance la situation se débloque, il y a la première partie de Claudio Capeo le 3 juillet à Luant, dans la région centre 36. Il y a aussi normalement le Festicolor aussi dans le 45. Mais malheureusement il y a une note qui est tombée ces jours-ci, comme quoi en fait le festival n'aurait pas lieu cette année en tout cas. Donc après, pour l'instant voilà, il y a ces festivals avec un gros point d'interrogation, et puis après l'adaptabilité sur des concerts en plein air, je pense que ça va se formuler comme ça. Et en règle générale, sur quel type de scène, où est-ce qu'on peut te trouver ou retrouver? Et partout, partout, c'est-à-dire que ça peut être d'un café-concert à un bar, à un festival, en première partie d'artistes, parce que là, pour le coup, j'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, et encore une fois, sur de magnifiques scènes. Je pense tout de suite dans les caves de Sancerre avec la rue Quétanou. Je pense au Festival d'Arc de Châteauroux avec les Oufris Maracas. Enfin voilà, il y en a eu vraiment de belles, avec Romain Didier au Bain Douche de Lignières, avec Kent, avec Alain Leprest. Enfin, il y en a eu vraiment des chouettes, quoi. Quel est ton public ? Là, c'est la musique, elle est, je veux dire, ça va de 7 à 98 ans. Ça passe avec de l'humour à Mamie Gisèle, un texte sur les maisons de retraite, jusqu'au métissage, l'île de la Réunion. On parlait du Portugal ensemble tout à l'heure. Ben on va en Algarve, parce que du coup, je parlais du quartier de la Nation. J'ai été élevé aussi avec une famille portugaise, donc ce qui m'a permis d'aller voyager aussi par là, notamment sur une petite île aussi magnifique. Donc voilà. Donc on peut dire que c'est de la chanson française métissée. Oui, le métissage, il se fait premièrement dans les rencontres, et après, ben j'ai eu la chance de pouvoir voyager, et puis c'est que du bonheur. Je pense aussi en Afrique avec mon ami artiste burkinabé, Burkina Faso, Massa Démé. Ta discographie aujourd'hui, donc tu m'as parlé chez Universal, une sortie en 2012, donc du coup, si j'ai bien suivi. Je ne sais plus, c'est 2012-2014, même. On va dire à peu près entre 2012 et 2014. Donc un premier album, Le Septième Continent. En fait, le premier album chez EPM Universal, c'était Né en Voyage. Et les singles et les EP aussi, c'est pareil. En fait, je voulais une continuité dans les histoires. Comme un livre, en fait, album 1, album 2. Je voulais en fait que ça soit Né en Voyage, et après, voilà, j'ai revu ma copie. Le premier, les singles, c'était Né en Voyage. Là, le premier album, Né en Voyage, et après, j'ai souhaité, en fait, avec Le Septième Continent, un titre éponyme. D'accord, très bien. Ton actualité aujourd'hui, enfin, comment tu as vécu déjà cette période un peu compliquée pour les artistes? Comment toi tu l'as vécu, ça? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis rentré d'Inde le 9 mars et on était confinés le 13. Donc, difficile. En fait, normalement, il y a trois phases au voyage. Il y a la préparation. Tu le vis, puis après tu peux le raconter à ta famille pour premier cercle, et après tes amis. Bah, j'ai pas fait ça, donc un peu frustré. Ensuite, de mars à j'ai recommencé à jouer de mémoire en juin, mi-juin. Donc là, allez hop, c'était reparti. Tout le monde, et puis non, en fait, juin, juillet, il y a eu les Francofolies, donc j'y suis allé. Il y a une manifestation qui s'appelle les Incontournables qu'on a. À un collectif, on a créé les Incontournables 3. C'était la troisième année, donc plus d'une dizaine d'artistes, j'en faisais partie. Et puis ça s'est super bien passé. La visite de la ministre Bachelot à l'époque, qui vient de checker du coude. Et puis après, bah, comme tout le monde, quoi, septembre, plus rien, jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est repéré par Universal ? Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas été repéré par Universal. J'ai signé en fait une coproduction avec une structure qui s'appelle EPM Musique, qui avait Anne Sylvestre en catalogue, ainsi que beaucoup d'artistes. Et du coup, c'est cette signature avec EPM Musique, qui m'a donné en fait cette distribution chez Universal. Donc c'est pas pareil, c'est pas signé chez Universal, c'est voilà, la distribution, ce qui est topissime. Encore une fois, hein, on remet dans le contexte, à 12 ans j'écrivais, hop, 45 je voyage, et en plus bonus, c'est la distribution chez Universal, enfin voilà. Par rapport à la suite, justement, après l'Inde, quand tu es rentré, rapidement, on s'est retrouvé dans une situation assez stressante. Hein. Toi, tu t'es dit, tout de suite, je vais pas rebondir. Enfin, peut-être que tu t'es dit, je vais rebondir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends les prochaines dates? Ou alors tu t'es dit, je vais anticiper, peut-être que je vais essayer de faire ça en attendant. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es cherché? Comment tu t'es trouvé? Alors moi, après tout ce que j'avais vécu en émotion forte en Inde, en fait, il fallait que je rebondisse. Alors j'ai attendu un petit peu. J'ai regardé un peu autour de moi comment ça se passait au niveau des réseaux sociaux, tout ça. Et au départ, je voulais en fait, je voulais être présent tout le temps. Premier confinement, tout chez nous, et du coup, j'alimentais. J'étais présent souvent sur les réseaux sociaux avec du contenu, quoi. Je me suis dit, je vais donner un petit 4 heures aux personnes qui me suivent pour pas lâcher le lien. Donc tous les 4 heures. Au départ, c'était un jour sur deux. Enfin voilà, j'essayais d'être souvent présent. Et puis deuxième confinement, c'est plus espacé. Mais ouais, le premier, il y avait vraiment une envie de garder ce lien, parce que encore une fois, quand t'es enfermé, t'as qu'une envie, c'est de partager encore, parce que c'est ton métier aussi, quoi. Donc, t'as quand même réussi à essayer de t'as positivé, quoi, finalement. T'as positivé tout le temps. Est-ce que tu t'es dit, le temps, quand même, ça passe, c'est un peu long. Tout ça, ça dure un peu. Combien de temps ça va durer encore, cette histoire? Et est-ce que finalement, tu t'es laissé guider par la situation ou par tes envies, ou tu t'es dit artistiquement je vais créer, voilà, parce que tu as communiqué quand même par streaming, hein, tu as fait des concerts par streaming, tu as communiqué le maximum, donc ça c'était la seule chose, malheureusement ou heureusement, je sais pas, voilà. Est-ce que tu as eu des retombées par rapport à cette communication? Est-ce que tu as trouvé que le public, est-ce qu'il y a eu des choses différentes? Tu as senti que ça avait réagi différemment de d'habitude? Déjà en termes d'audience, en fait, il y a eu des choses qui ont été vraiment combien rebondi. Mais juste un peu en amont, déjà, j'ai eu une rencontre avec les Baudins qui est incroyable, quoi. Je veux dire, j'ai jamais eu 200 000 vues, 206 000 vues avec un post via les réseaux sociaux. Eux, le post via cette chanson avec beaucoup d'humour de Mamie Gisèle, là, et du coup, une Maria des Baudins qui explose tout. Donc, oui, ces gens-là, on peut les ramener, on peut toujours les garder avec des petits moments de 4 heures comme ça, avec 2-3 chansons. Un peu à la longue, mais c'est vrai que le deuxième confinement, par contre, il a été différent, quoi. J'avais plus trop, en fait, pour pas être redondant aussi. C'est-à-dire que tu rebalances pas tes compos comme ça tous les jours, quoi. Après, c'est ridicule, quoi. Donc, d'espacer un peu le temps, et puis plus faire sur une plage de 10 minutes, genre 19h ou quoi. Enfin, il y a eu des plages horaires adaptées aussi en fonction de ça, et c'était bien, parce que j'avais des retours super sympas. Tu as un community manager ou c'est toi qui gères toute la partie com? Non, oui, c'est un 360, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que du colleur d'affiche aujourd'hui, bah, tu joues et puis tu fais le travail de communication, booking. Ouais, donc tu es ton booker, t'as pas de tourneur aujourd'hui, tu es ton community manager, tu es l'artiste, auteur, compositeur, interprète, ouais, tout ça. Ouais. T'as ta boîte de prod à toi? Non, du tout. Donc, d'accord, ok. Donc, au niveau de ta team, et tu travailles avec une structure administrative. Avec une structure administrative. Qui s'appelle l'ILO Prod. Qui s'occupe de tes papiers, en fait. Tout ce qui est administratif, en fait, je travaille depuis longtemps avec une structure, donc, qui s'appelle l'ILO Prod, qui est basée à Châteauroux. Et du coup, c'est vraiment eux, en fait, en termes structurels. Voilà, je me repose parce que c'est, encore une fois, on en discutait tout à l'heure, c'est un travail. Toutes ces étapes-là qui font que la musique vit aujourd'hui, ben c'est un travail du quotidien, c'est du 300%, quoi, vraiment. On rappelle que tu es intermittent. Voilà, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc, tu vis de ta passion. et tu voilà, c'est ton métier. Totalement. On va s'écouter un deuxième titre. Donc, lequel veux-tu mettre ? Un baiser sur la ruche. Alors, un baiser sur la ruche. Alors, juste après, tu nous en parles. D'accord ? Okay. À tout de suite. Donc, bonne écoute. Un baiser sur la ruche. Entends-tu la colère, homme, entends-tu, entends-tu, entends-tu, homme, entends-tu, entends-tu la colère, y'a du chagrin dans l'air, entends-tu, entends-tu. Alors que tu t'entêtes à jouer les technocrates, alors que c'est la fête au pays des cravates, entends-tu le bourdon que prend l'apiculteur, quand jusque sur son front, tu viens voler sa sueur. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, homme, entends-tu, entends-tu, entends-tu. Alors que pour tout ciel, t'as celui d'un bureau, que pour faire tes profits, t'utilises Monsanto. Alors que c'est ton vice, tu nies les évidences, c'est la terre de ton fils, que t'envoies aux urgences, c'est la terre de ton fils, que t'envoies aux urgences. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, homme, entends-tu, entends-tu, entends-tu, homme, entends-tu, entends-tu la colère, y'a du chagrin dans l'air, entends-tu, entends-tu. Entends-tu la chanson de tous ces pesticides qui du sol au plafond assurent le génocide. Entends-tu la colère que pique l'apiculteur, y'a du chagrin dans l'air, du pollen plein les fleurs. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, homme, entends-tu, entends-tu, entends-tu. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, y'a du chagrin dans l'air, entends-tu, entends-tu. Si t'engages le combat qu'il faut mener dardard, un plus un toi plus moi, et bientôt des milliards. Si t'engages le combat qu'il faut mener dardard, un plus un toi plus moi, nous garderons espoir, un plus un toi plus moi, nous garderons espoir. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, homme, entends-tu, entends-tu, entends-tu. Homme, entends-tu, entends-tu la colère, y'a du chagrin dans l'air, entends-tu, entends-tu. Passion. Radio Web Passion. Vous venez d'écouter Un baiser sur la ruche. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Et donc, Ziaco doit nous expliquer et donner sa version du baiser sur la ruche. Dis-nous tout sur ce titre. J'ai vu un reportage d'un apiculteur breton qui avait perdu tout son cheptel d'abeilles. Ce qui correspondait, je ne sais plus, enfin, c'était énorme en termes de ruchier. Et du coup, ben, ça m'a vraiment marqué. Mais je n'ai pas eu les mots. J'ai bloqué, je n'arrivais pas. Donc j'ai fait appel justement à la super plume, Christophe Renaud, qui est de Normandie et qui m'a écrit en fait ce magnifique texte, Un baiser sur la ruche. Merci pour ces précisions. Qui te soutient en termes de structure, que ce soit étatique ou locale, ou des mécènes, qui te soutient aujourd'hui ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir le premier soutien, en fait, c'était la ville d'Issoudun, à travers des organisations, au niveau des salles, parce qu'il y a pas mal de structures sur Issoudun, notamment la boîte à musique, qui est au conservatoire. Avec des studios également qui sont à la boîte à musique. Donc déjà, il y a eu ce premier soutien, c'est la ville d'Issoudun. Après, il y a eu la ville du Poinçonnet qui est située près de Châteauroux. Pareil, des résidences. Ils m'ont fait jouer pas mal de fois avec Zodiane, avec Ziaco. Toujours une confiance. Et donc j'avais décidé d'être bénévole dans cet asso. Dès que je pouvais, j'allais filer un coup de main. Et encore, encore aujourd'hui, là, je devais jouer le 28 mai sur cette saison. Mais je pense que c'est voilà, ça sera pas acté, mais ça sera évidemment décalé. Mais il y a une programmation qui est prévue en fait en 2021, toujours avec les règles sanitaires. La troisième structure, et là on parle de 2010, donc création du projet 2008, soutien et partenariat en 2010 avec le pôle régional chanson. À l'époque, la direction c'était Jean-Claude Marché. Je fais la première partie de Kent à la boîte à musique. Je l'invite à venir découvrir mon projet qui était dans. Qui était commencé à se construire, j'allais dire, en 2 ans de temps. Donc il vient à l'issue du concert de Kent. On discute pendant 3 quarts d'heure. Et puis il valide en fait ce soutien. Donc moi je pensais naïvement que ça allait être assez court en fait en termes d'aide, de soutien. Donc c'était le soutien, il s'est concrétisé par des résidences. Il s'est concrétisé par des résidences coaching scénique vocaux, donc ouais, c'est, on a travaillé la voix, on a travaillé l'aspect scénique, tout ce qui fait des rencontres avec des professionnels qui te font grandir tout simplement quoi. C'est que si tu restes chez toi, et tu travailles ton projet, mais voilà, t'as pas d'aide et puis tout seul tu tournes en rond, tandis que si t'es bien guidé par ces professionnels du spectacle, et t'avances de marche en marche. Donc c'est super formateur, et puis je le souhaite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à tous les artistes en émergence, d'avoir cette possibilité d'être soutenu par un pôle chanson. Comment tu te vois dans 5 ans? Alors dans 5 ans, comment je me vois? Intéressant, je me pose pas la question parce que j'ai tendance à avoir un caractère à vivre au jour le jour. Mais comment je pourrais me voir dans 5 ans? J'ai déjà les cheveux gris, donc ça c'est fait. Je sais pas. J'ai envie de vivre le présent parce qu'encore se projeter c'est difficile, quoi. Encore aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe. Dans 5 ans, je sais pas. J'espère. Si je vis pas de ma musique, j'espère être dans une structure où ça vit musique en tout cas. L'accompagnement d'artistes aussi me plairait. Je découvre les ateliers que je connaissais pas avant par rapport aux enfants, aux étudiants, pourquoi pas, mais un engagement c'est sûr au niveau de la musique. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui désire vivre de sa passion? Alors, la première chose, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que de l'âge de 12 ans à 45, déjà, il a fallu sortir les rames. Je pense que le fait d'avoir fait du sport de combat, et en l'occurrence de la boxe, m'a donné aussi ces petites choses de rien lâcher. En ténacité, de travailler évidemment son projet vraiment sur le bout des doigts, et puis de savoir d'avoir une carapace, ça c'est les conseils de Monsieur Marché, d'avoir sa propre carapace déjà en solo, et puis après d'envisager un duo, trio, et surtout de s'entourer de professionnels, mais de pas perdre trop de temps, essayer d'avoir une structuration rapidement en fait autour de soi avec des professionnels. Très bien. Est-ce que tu as une actualité là aujourd'hui, ou dans les jours, ou dis-nous. Ce que je sais pas vraiment, c'est que en termes de confirmation, je parlais du 28 mai, mais voilà. C'est l'avenir qui va nous le dire. Le 3 juillet avec Claudio Capeo en première partie. Pareil, je sais pas trop. Je vais aller en Bretagne, ça c'est sûr, au mois d'août, le 8 août. Donc je serai en Bretagne pour une petite tournée de 2-3 concerts. Donc j'espère qu'on se retrouvera à l'issue. On peut te trouver sur quels réseaux sociaux pour te suivre? Alors je suis beaucoup présent sur le réseau Facebook, un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, vu quand on doit tout faire, c'est difficile d'être présent partout. Donc, pour l'instant, c'est essentiellement Facebook. Facebook et Instagram. Et sinon, j'ai oublié tout à l'heure, côté La Rochelle aussi, les Francopholies de La Rochelle, je serai présent certainement au Gabu, au Bistrot du Gabu, et puis autour, quoi. Alors, on se donne tous rendez-vous au Gabu. Cette année, à La Rochelle, on croise les doigts pour une grosse fiesta, hein, puisque tu nous mets une ambiance dingue à chaque fois. Hein, c'est très, très festif, c'est très coloré. Donc, on en a beaucoup besoin, vraiment. Merci encore pour cette interview et ce moment que tu m'as accordé à Issoudun lors de mon passage. Donc, ça faisait très, très longtemps qu'on devait se voir pour cette interview. Donc, je suis ravie qu'on ait pu la faire. Eh bien, je vais te souhaiter que le meilleur, la suite que du positif, plein d'autres rencontres et des nouveaux albums et des super concerts. Et puis voilà, donc est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter ? Oui, déjà je tenais à te remercier parce qu'encore une fois j'adore, c'est une super rencontre. Donc j'ai soif vraiment de... qu'on puisse se revoir en musique avec, avec du son et puis avec l'énergie surtout d'un public qui porte un peu ton projet à travers les chansons et avec un petit verre, ça agrémente aussi, mais avec modération bien sûr, et pas obligé d'alcool en plus tu peux, mais dans l'idée voilà, que ça soit un espace musical avec du public, et ça c'est ce qu'on aspire avec Julien à la guitare prochainement là, et Céline avec tous les instruments. Alors on va se quitter avec ton titre que tu as choisi, La Bohème. Tu nous en parles quelques minutes et puis bien après on va se quitter. Alors La Bohème, c'était l'hymne des étudiants lors du voyage en Inde. Et c'est vraiment un titre qui porte en fait, qui fédère les gens. Vous pouvez le voir à travers toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. La fête, elle est là, elle est dans ce titre. C'est une invitation vraiment, c'est commun au voyage, mais voilà, avec toute l'énergie et la folie qu'on doit emmener, quoi. Alors, je vous laisse écouter La Bohème. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon retour à tous pour ceux qui sont peut-être, peut-être en voiture, qui sait, qui nous écoutent. Et donc, à très bientôt. Donc, n'oubliez pas, Ziako est sur Instagram et sur Facebook, Ziako. Et à très bientôt et au revoir. Alors Ziako me dit, j'ai oublié de parler du site, donc j'ai pas appuyé pour arrêter. Donc parle-nous de ton site, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, donc parle-moi de ton site avant de nous quitter. Non mais oui, c'est vrai qu'il y a un site, on a beaucoup travaillé sur le site, et il y a pas mal d'informations, vidéos, photos, extraits de presse, et donc c'est ziako.fr, je vous attends nombreux. Merci. C'est noté, bonne soirée, au revoir. தமிழ்ல சொல்றது இங்கிலீஷ் பயந்துட்டு அங்கேயும் போக வேணாம் இப்ப லிட்டில் பிட் சாய் அண்ட் தே கெட் திரும்ப சொல்லு பேர் ரஞ்சித் பாண்டி 6th கிளாஸ் துரை பாண்டி 6th ஸ்டாண்டர்ட் Initiated by, it's 6 months before only. The children are here, the needs is that, then only we started this particular center. It's here 22, around 22, it's a regular student's tent. He will be carrying this center. La la la la la la la la la la la la la Accompagné de l'intérieur, en mission. l'éternelle muette. Face à 400 000 longueurs, les oreilles pointées sur les tombes, le sea dragon partout les mers. Déchets plastiques filés, parties qu'on file, tout finira. Radio Web Passion.